Y'a de la zip dans mon jean, je zip. Et j'décolle en zip et l'école je zappe. J'ai froid, envoie une part de zap. J'ai des dépôts dans un transat. Pour l'instant transat, on envoie le transit. Là j'pète un cap, toi tu m'hésites. Ensuite dis-moi c'est quoi la suite. SMS j'calcule pas la suite. J'suis en bas, les idées sont. J'ai même perdu mon nom, t'es mon gars sûr. J't'aide quand tu tombes. Et j'te dire quand moi j'm'enterrerai mon pas. Et tout est noir. On m'a quitté en vie pour l'embellir. J'ai pris les pinceaux pour mettre la couleur dans ta vie. J'dessine sur le tableau, on change des décors si tu t'ennuies. Viens, on s'enfuit loin, j'ai le monde qui me séduit. Viens, on s'enfuit loin, j'ai le monde qui me séduit. Tira para papa, la vie est belle. Tira para papa. J'en veux pas, même sans ça je plie à ta nana. Je fais tous ces soucis pour mama. Pas besoin de jouer Montana. Je fais ce qu'il est catin, putain la cata. Si j'avais su que c'était comme ça. Heureusement je fais pas de cinéma. Elles reviennent toutes quand tout va bien. T'es vert champagne. Je vois la vie rose.